Ladies and gentlemen, Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gemouzo 107FM. Et pour l'édition de ce soir, on va s'adresser à nouveau au centre des tronches qu'on avait reçu il y a quelques semaines déjà. Et cette fois, ce sera pas les animateurs du centre des tronches, mais plutôt des enfants bénéficiaires des animations du centre. Il s'agit de Angel, Clélia, Carla, Océane, Arsénie et Éloi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je n'oublie pas bien sûr l'animateur qui les accompagne, il s'agit de Jean, donc bonsoir Jean. Donc si vous êtes là ce soir, c'est pour parler, d'après ce que j'ai compris, de votre séjour sport et vidéo et aussi de votre projet, donc on va y venir tout doucement. Mais j'aimerais peut-être faire un petit tour de table, que chaque jeune puisse se présenter. Alors on va commencer par toi Angel. Bonjour, je m'appelle Angel, j'habite dans le 78. Continue. Je suis venu ici parce que ma mère elle m'avait dit que comme on partait pas au Portugal, elle m'avait dit que je devais venir ici pour me détendre et m'amuser. Au début, je lui avais dit que j'étais pas trop d'accord. Ma mère m'a dit vas-y, ça te fera vraiment plaisir. Je l'ai écouté. Du coup, au jour d'aujourd'hui, je la remercie. Ça fait combien de temps là que t'es aux tronches ? Une semaine et deux jours. Une semaine et trois jours, et donc ton... parce que j'ai écouté tes camarades, quand même, et je vous entends quand même, hein, même si vous chuchotez. et donc, Angel, tu es là jusqu'à quand ? Jusqu'à samedi. D'accord, jusqu'à samedi. Parce que je précise d'ailleurs aux auditeurs que l'émission n'est pas en direct, hein, c'est une émission en différé enregistrée le 17 juillet. Comme ça, ils savent un petit peu quand c'est enregistré. Peut-être que vous aurez l'occasion de vous y écouter depuis chez vous. Vous êtes tous là jusqu'à samedi, c'est ça ? Oui. Oui. D'accord, d'accord. Donc on va se tourner, après avoir écouté un petit peu Angel, après le connaître un petit peu plus, je me tourne vers Clélia. Alors oui. Qui es-tu donc ? Comment ? Bah, présente-toi aux auditeurs. Bah, bonjour, je m'appelle Clélia. J'habite dans le 52. Et bah, je sais pas quoi dire. Bah, si, qu'est-ce qui t'a amené au centre des tronches ? Bah, je sais pas, parce que, en fait, je viens tous les ans depuis 6 ans. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment une habitude. Donc, tu connais maintenant un petit peu mieux les Vosges. Oui. Et t'as fait différentes animations. Est-ce qu'il y a une année que t'as préférée, vu que tu m'as dit c'est la 6e fois que tu viens quand même ? J'ai préféré cette année. Et pourquoi ? On t'écoute, Clélia. Parce que j'ai demandé si elle voulait sortir avec moi. C'est vrai, ça ? Ah, les enfants, c'est mignon. Qu'est-ce que ça raconte ? Dans ce cas, je vais peut-être laisser la parole à Carla pour qu'on en sache un petit peu plus sur elle. Donc, Carla, peux-tu te présenter aux auditeurs, s'il te plaît ? Alors bonjour, je m'appelle Carla, j'habite dans le 68 en Alsace. Ce qui m'a poussée à venir ici, déjà l'année dernière je suis allée en colonie et ça m'a donné envie de revenir parce que les activités, surtout pendant les vacances d'été, je pense que c'est important pour ne pas s'ennuyer et je pense pour rencontrer des nouvelles personnes, voilà. Et c'est ta première année ici au Centre des Tronches ? Oui, c'est la première fois que je viens ici. Donc l'an dernier, t'étais où ? Parce que bon, l'Alsace, hein, faut dire, oui, on est voisins, même le Haut-Rhin. T'étais où l'an dernier ? Pardon ? L'an dernier. Alors l'an dernier, j'étais à Aubure, c'est en Alsace. Et après, en octobre aussi, j'ai fait une colonie qui était en Bourgogne. D'accord, donc tu en as fait plusieurs. En ce cas, je vais laisser la parole à Océane. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 11 ans. J'habite dans le 78, en région parisienne. Je suis venue aux Tronches pour me trouver des amis, pour savoir à peu près c'est quoi une colonie, en sachant que c'est ma première. Et je pense que ça sera pas la dernière. Et oui, donc d'après ce que j'ai compris, c'est ta première colonie. Et ça te plaît jusque-là ? Oui. Je me tourne maintenant vers Éloi. Tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, bonjour, je m'appelle Éloi. Donc j'ai 15 ans, j'habite en campagne. Et moi, c'est la sixième année d'affilée que je viens. Donc voilà. Et comme on présente tous les enfants, hein, je vais m'occuper de toi, Jean. Juste après, je vais laisser la parole à Arsenie. Tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Arsenie. Je suis ukrainien, j'ai 13 ans et j'habite à côté de Paris, à Montigny-Bouchon. D'accord, donc tu viens, on va dire, de Paris, parce que tu vis à Paris maintenant, pour tout le reste de l'année, c'est ça ? Oui. Pas encore, mais c'est presque. D'accord, ça y est, presque. Et enfin, après avoir présenté tous les enfants, il faut quand même un petit peu présenter l'animateur. Donc Jean, je te laisse la parole. Bonjour. Du coup, je m'appelle Jean, je suis animateur et éclaireur de France, du coup, aux Tronches depuis maintenant une semaine et demie. Je suis arrivé en même temps que les enfants. Et voilà, je cherchais une colonie avec un ami pour faire de l'animation, parce que c'est toujours bien pour s'occuper pendant les vacances, et c'est toujours une expérience intéressante, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et est-ce que tu seras là une fois que les enfants sont partis ? Non, je pars en même temps qu'eux, je pars, voilà, c'est ça, samedi très très tôt le matin, normalement, on ramène tout le monde à Paris. Oui, parce que c'est comment dire, il y a beaucoup de jeunes parisiens qui viennent ici au Centre des Tronches. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de jeunes de région parisienne qui viennent, on a beaucoup de jeunes des Mureaux et tout ça, donc plutôt de banlieue parisienne qui viennent, donc voilà. Oui. Et donc si vous êtes tous là, si vous êtes tous réunis, ce qui vous réunit tous, hein, littéralement, c'est votre séjour sport et vidéo. J'aimerais peut-être en savoir plus, en quoi ça consiste. Angèle, t'as l'air de vouloir expliquer ce que c'est, alors je t'écoute. Bah, de base, on nous a dit qu'on allait faire du sport. Quand moi je suis arrivé, personnellement, j'avais déjà regardé un peu les activités qu'il y allait avoir. Le deuxième jour, on a fait du canoë. Le troisième jour, on a fait du kayak. Le quatrième jour, on a fait de l'escalade. Ouais. Après, on s'est un peu plus reposé. Et, la semaine prochaine, enfin, mercredi, on va faire de l'escalade encore. Après, bon... Donc c'est ça, en fait, ils ont plein de... Je vais enchaîner. Ils ont plein d'activités sportives, du coup, qui sont préparées et qui sont, du coup, organisées avec des intervenants. Donc c'est pour la partie sport. Et pour la partie vidéo, je vais les laisser en parler, mais pour résumer très très vite, on a un animateur qui est malheureusement pas là aujourd'hui, qui s'occupe de la partie vidéo et qui, a fait diverses activités en rapport avec la vidéo et avec le son et tout ça, et qui leur a permis de faire certaines choses que je vais laisser quelqu'un expliquer. Bah vas-y aussi, Anne, on t'écoute. Il nous a déjà fait une petite formation pour savoir comment prendre des vidéos, des panoramiques, tout ceci. Et à la fin du séjour, on va faire un montage pour montrer à nos parents tout ce qu'on a fait le long de ce séjour. Et toutes vos diverses activités sportives qu'Angèle a énumérées, donc canoë, kayak, escalade, big up à l'escalade, bien entendu, parce que vous le savez que votre animatrice est une grimpeuse. Et vous avez fait d'autres activités sportives, pas de cours d'orientation, Carla, je t'écoute. Alors, oui, c'est pas vraiment une activité sportive, on a marché pendant... Ouais, pendant 2 jours et demi. Ok, donc une grosse rando, là. Ouais, donc on a marché le premier jour, enfin, le premier jour, la première randonnée qu'on a faite, c'était, je crois, une plus de 3 heures. Le deuxième jour, on a marché un peu plus de 7 heures. Et le soir, ben, on est allé dans un camping, voilà. Océane, tu as quelque chose à rajouter? Et ça s'est très bien passé et nous avons regardé le match. Ah oui, le match. Arsénie, je t'écoute. Et je voulais dire que qu'aujourd'hui on a tiré à l'arc, c'était trop bien. Et on a eu beaucoup d'émotions. Oui, comment ça, beaucoup d'émotions? Est-ce que tu arriveras à expliquer pourquoi tu as ressenti beaucoup d'émotions quand tu as fait du tir à l'arc? Parce que j'ai gagné. Ah bah, c'est une bonne chose. Ah bah je vois, il y a aussi Angèle qui me fait des signes. Donc toi aussi t'as gagné? Ouais, moi aussi j'ai gagné. Ah bah c'est cool ça. Et est-ce que vous avez... Oui, Clélia aussi? Il y a un sport qu'on a fait qu'on n'a pas dit. Oui. C'est, on a fait de l'équitation aussi. Ah, c'est sympa. Donc, est-ce que vous avez jusque-là une activité sportive préférée que vous avez fait? Moi, oui. Personnellement, c'était l'escalade. Ouais. Et moi, c'était l'équitation. Moi, même si c'était compliqué, je pense que c'était l'escalade aussi. Océane? Ah bah, moi, j'en ai plusieurs. Ouais, c'est lesquels? J'ai bien aimé l'équitation, l'escalade et le canoë. Ok, à toi, Éloi? Alors moi personnellement, même si c'est pas vraiment une activité sportive comme dit Carla, c'est la marche parce qu'on a vu des paysages assez magnifiques. Et toi, Arsénie? Ah moi c'est la même que Océane. Ok. Oui. La même chose qu'Océane, t'en as eu plusieurs et c'est lesquelles tes préférées? C'est les mêmes qu'elle? C'était très bien. Ouais. Le trop trop bien et j'ai aimé tirer à l'arc. Oui, t'as aimé tirer à l'arc. S'il va aussi passer quelque chose que tout le monde aime, c'est la musique. On va passer un premier morceau musical intitulé Dja Dja de Aya Nakamura, si j'arrive à le lire, hein, comme ça on est toujours dans les découvertes oui. musicales à la radio. Donc on s'écoute cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Hello papi Mickey Bazar, j'entends des bails à trois son main. À ce qui paraît, je te cours après, mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, demander t'y paix? Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Je pense à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment tu faire? Jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. temps, mais tu me déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gagnes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gagnes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gagnes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gagnes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu gagnes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu gagnes ça. Dans mes doigts. On katana baby tu dat ça. On katana baby. On katana baby tu dat ça. On katana baby. Oh dja dja. Oh dja dja. Oh dja dja. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours hein, avec le Centre des Tronches, et plus particulièrement Jean, qui est animateur, et ensuite les enfants Éloi, Arsenio, Océane, Carla, Clélia et Angel, qui sont là pour parler de leur groupe. Hein. En effet, ils font un séjour sport et vidéo, donc juste avant la pause musicale, on a parlé des différents sports que vous avez fait, que vous avez pratiqué, que vous avez beaucoup aimé. Mais voilà, il y a dans votre activité l'intitulé sport et l'intitulé vidéo. Donc je pense que ce serait peut-être bien qu'on parle de l'aspect vidéo de votre séjour. Alors qui sent d'en parler ? Océane ? Pas Océane, pardon, Carla. Ça c'est quand on a plusieurs invités en même temps. Alors, donc je parle de notre séjour. Notre séjour, pour l'instant, il se passe plutôt bien, déjà. Ouais. Après, la plupart des activités qu'on fait, on les fait avec les autres enfants qui sont avec nous. Et donc il y a plusieurs activités. Après, c'est vrai qu'il y a des activités qu'on fait que tous les six, mais... Parce qu'en fait, si je comprends bien, le séjour sport et vidéo, vous êtes que six ou vous êtes plus ? Ah non, Oui, on est que six. Ok, donc il y a d'autres jeunes qui font d'autres activités en parallèle, qui ont d'autres séjours. Tu peux peut-être me dire, parce que t'as piqué ma curiosité, c'est quoi leurs autres séjours ? Alors, eux, leur séjour, c'est vivre les vacances. Et... Qu'est-ce que ça implique ? Eux, ils font un peu, toutes les activités, préparées par les autres animateurs. Tu veux parler ? Oui, excuse-moi. L'autre séjour, la thématique, c'est cirque. Ouais. Tandis qu'ici, c'est sport et vidéo. Ok. Et comme je disais, hein, tu nous as expliqué que ça se passait bien. Et comme je le disais, oui, qu'est-ce qu'il y a, Angel ? C'est pour parler du séjour vidéo. Voilà, exactement. Donc, tu t'arrives à reprendre le fil, donc je t'écoute, Angel. Pendant le séjour vidéo, il y a l'autre animateur qui est avec nous, le copain de Jean, qui s'appelle Martin. Et il a pas pu venir parce que il était occupé à faire d'autres choses. Il nous a appris un peu les bases de la vidéo. On est parti en itinérance 2 jours et demi. Pour s'aider un peu pour commencer la vidéo. Et à la fin, on voudrait faire un espèce de vlog sur nos vacances pour montrer à nos parents. Ok, super sympa. Quand tu dis qu'il vous apprend les bases de la vidéo, qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous a appris les différents plans. Ouais. Comment filmer les différents types de filmage. Ok, donc comment filmer, comment cadrer. Il vous a aussi parlé de logiciel de montage ou pas ? Non, pas encore. D'accord. Ça, je pense qu'il va nous en parler vers la fin de la semaine. D'accord, donc ça va venir. Et donc le but, hein, Angel l'a dit, c'est vraiment de faire une espèce de vlog de votre séjour que vous montrerez à vos parents. C'est vraiment c'est ça. C'est vraiment ça le but. Donc vous avez déjà commencé à filmer, j'imagine. Bah quasiment, on filme, on fait des mini montages, des mini vidéos avec les plus jeunes que nous, parce que ouais. On pense pas que à nous. Et aussi on chaque jour on prend des quasiment tous les jours on prend des photos de nous à différents endroits. Et du coup à la fin on va faire un montage de tout ça et puis ça fera notre vlog. Ok. Et toi, Éloi, t'avais quelque chose à ajouter? Oui, donc par exemple, pour illustrer ce que vient de dire Angèle, hier matin, on a fait un tournage avec des enfants d'un camp, donc plus jeunes que nous, donc qui nous ont servi d'acteurs pour faire un script qu'on avait fait la veille. Et comment ça, un script que vous avez fait la veille? Parce que vous avez mis quelque chose en scène, vous avez préparé une histoire? Oui, voilà. On a préparé le scénario, tout ça. Après, Martin l'a un petit peu retouché pour que ça corresponde... au fait qu'on devait faire intervenir beaucoup d'enfants. Ouais. Et est-ce que on a le droit de savoir qu'est-ce que ça raconte? On est obligé d'attendre que le vlog soit sorti. Je peux vous expliquer si vous voulez. Enfin, après, Océane a l'air d'avoir quelque chose à dire aussi. Oui, t'as l'air motivée, je t'écoute. Ça raconte l'écologie entre deux époques, qui sont le Moyen-Âge et au jour d'aujourd'hui. Et ça met en scène l'imagination. D'accord. D'ailleurs, tant que j'y pense, hein, au centre des tronches, et je pense que dans tous les lieux où il y a du scoutisme ou des choses comme ça, l'écologie, c'est quelque chose d'assez important. C'est aussi quelque chose d'assez important ici à Radio Guémozo. Quel est votre rapport à chacun avec l'écologie? On peut peut-être te laisser parler, Océane. Ça y est, je t'ai intimidée. Bah écoute, pendant que tu réfléchis, on va peut-être laisser Éloi parler. Bah par exemple, justement il y a quelques jours, on a fait une marche en montagne et donc personnellement, quand je vois tous ces paysages qui sont franchement époustouflants, bah c'est dommage d'abîmer ça. Ouais. On en a qu'une de planète, donc autant la conserver, la garder en bon état. Et est-ce que toi, dans ta manière de vivre, ou est-ce que ça change quelque chose dans ta manière de vivre, ou comment toi tu adaptes ta manière de vivre pour être plus en harmonie avec la planète? Ben oui, je suis végétarien par exemple. Alors de base, c'est pour des raisons d'éthique et pas pour l'écologie, mais c'est vrai que ça a des retombées très positives sur l'environnement. Oui. Et... après, personnellement, j'habite dans une maison passive également. Ouais. Donc, pour éviter de consommer du gaz. Donc c'est un tout. En tout cas, toi, l'écologie, tu la portes littéralement, donc tu la transmets, j'imagine aussi, au centre des tronches, où tu la vis aussi. Océane, tu avais quelque chose à dire? Comment toi, quel est ton rapport à l'écologie? Personnellement, moi, je pense qu'il faut la protéger parce que un arbre, il a une vie, c'est comme si c'était un humain, et du coup, si on le tue, dans notre cœur, il y aura quand même une partie brisée. Oui. C'est beau ce que tu dis. Toi, Océane, quel est ton rapport à l'écologie? Carla. Carla, oh là là, excuse-moi, mais c'est pas possible. En plus, j'ai noté tous les noms. Bah, je suis du même avis qu'Océane. C'est important de protéger la planète. Comme m'a dit Éloi, les paysages qu'on a vus, ils sont vraiment très très beaux. Et je pense que c'est dommage de gâcher ça en polluant la planète. Et comment tu intègres aussi ton amour de la planète à ton quotidien? Je sais pas comment expliquer ça. C'est... pour moi, la planète, c'est important, c'est... alors même si pour certaines personnes ça peut paraître bête, je pense qu'on en a quand même besoin de ces belles choses qu'il y a dans la nature. Oui. Clélia? Non, tu veux pas parler, mais Angèle, toi t'avais l'air d'avoir envie de parler. Allez hop, on t'écoute. Personnellement, moi je suis pas très écologique, mais... je fais quand même attention à la planète, parce que pour moi, la planète, c'est comme si c'était ma mère. Ok, dans quelle mesure tu fais attention à la planète? Je jette pas mes déchets par terre. Je fais attention à pas trop polluer. C'est déjà pas mal. Et toi, Arsénie, On n'en a pas trop parlé. Tu as pas envie de parler de ton rapport à l'écologie? Non. Non, c'est pas grave. Après tout, on peut parler comme on peut ne pas parler. Et puis c'est comme ça, hein. C'est à la radio, il y a strictement aucun problème. Par contre, si on va faire autre chose, on va s'écouter un autre morceau. Et cette fois, quand on va se mettre en phase avec la nature, s'il y a autre chose avec laquelle il faut se mettre en phase, c'est la lune. Je crois qu'Éloi a compris, oui, c'est bien la sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven. Donc on s'écoute eh bien ce chef-d'œuvre et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, c'était bien entendu un extrait de la sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven. Pour ceux qui veulent l'écouter en entier, je vous encourage, hein, à aller sur Deezer, YouTube, etc. Enfin, on la trouve en entier partout, il n'y a strictement aucun problème. Et si on est là, hein, c'est toujours avec Jean, Éloi, Arsenie, Océane, Carla, Clélia et Angèle du Centre des Tronches, et plus précisément du séjour sport et vidéo. Et donc oui, comme on le disait avant la pause musicale, hein, vous avez fait beaucoup de sport, vous avez aussi appris les bases de la vidéo. Et oui, ça serait peut-être bien de revenir un petit peu plus en détail là-dessus, comme le disait Jean. Alors, je sais pas, Jean, si toi tu sais comment l'idée du projet est née. C'est-à-dire l'idée de la thématique sport et vidéo? Oui. Moi j'ai été engagé avec mon ami qui s'occupe de la vidéo, du coup. C'est ce qui nous a attiré en fait. On savait que c'était un séjour sport et vidéo et qu'on avait des compétences qui pouvaient être complémentaires dans ce domaine-là. Et on ne sait pas comment vraiment le projet sport et vidéo est né. Mais après, on nous a laissé complètement les mains libres pour travailler là-dessus. On nous a dit sport et vidéo. Il y avait quelques activités sport. Il fallait faire de la vidéo. On avait un petit peu de matériel et mon ami surtout. S'est occupé de tous les projets qui se sont passés et de faire découvrir la vidéo. Il avait des idées bien précises et c'est ce qui a lancé l'idée du court-métrage, par exemple. D'ailleurs, il y a une idée qui me vient. Est-ce que tu saurais peut-être comment mêler sport et vidéo? Parce que c'est vrai que tenir une caméra quand on court, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. C'est une excellente question. Après, comme... Là, effectivement, le mêlé serait le plus intéressant, mais là, dans le séjour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait sport d'une part et vidéo de l'autre. En tout cas, enfin, c'est aussi à vous de me le reconfirmer, mais voilà. Après, je sais que durant la marche de quelques jours qu'ils ont faite, il y a eu quelques vidéos qui ont été faites. Je sais que aussi que, faire de la vidéo, c'est aussi une activité assez intense qui prend du temps et on peut peut-être la comparer à un sport pour ça. Peut-être. Et donc, oui, comme tu le disais, hein, ce qui est fait ou ce qui est en train d'être fait, c'est un court-métrage. Donc, Angel avait dit que dès le début, hein, les enfants ont commencé à filmer, enfin les enfants ou les ados, parce que après tout, vous êtes une tranche d'âge plutôt haute, si je ne me trompe pas. Et donc, le but, c'est de faire un vlog. Mais est-ce qu'il y a comme un... Ou est-ce que c'est vous qui avez défini comment ça va se passer dans le court-métrage? Je t'écoute, Océane. Bah, c'est nous qui avons créé le scénario, c'est nous qui l'avons mis en scène avec différents rôles. Par exemple, Elo a été réalisateur et du coup, c'est lui qui nous a donné tous les conseils comment faire. Et donc, est-ce qu'il y a un fil rouge, donc une histoire qui commence du début et qui se finit à la fin et qui continue tout au long du mini-film? Oui. D'accord. Est-ce qu'on a droit de savoir ce que c'est ou d'ailleurs, tant que j'y pense, une fois que le court-métrage sera terminé, est-ce qu'il sera juste... Oui, bien sûr. Clélia, aurais-tu quelque chose à dire? Je crois qu'on a droit à un petit craquage psychologique et nerveux. Voilà, ce sont des choses qui arrivent en effet. Donc, je demandais quand le court-métrage sera terminé, est-ce qu'il sera juste, il sera privé ou il sera rendu public? Je pense qu'il sera seulement privé, mais peut-être que on peut s'arranger avec Radio Gamozo. On peut toujours s'arranger. Et est-ce que vous avez peut-être envie de m'expliquer, parce que Océane a dit que vous avez créé l'histoire du début à la fin. J'imagine qu'il y a peut-être une séquence que vous avez fait que tout seul, ou je me trompe? Ah bah tiens, non, c'est pas Océane, c'est Carla. Une partie qu'on a fait tout seul. C'est-à-dire? Comment dire? Si c'est un petit vlog, il va y avoir plein de petits morceaux. Est-ce qu'il y a un petit morceau qui en a un qui a décidé tout seul de ça va se passer comme ça, les gens seront placés là, ils porteront telle couleur, enfin voilà. Alors, non, je pense qu'on a tous mis un peu nos idées tous ensemble, on va dire. On a réfléchi tous ensemble. Océane, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je reviens sur ce qu'a dit Carla. Ben, en fait, oui, parce que le jour d'avant, avant qu'on fasse le court-métrage, ben, on s'était déjà dit comment faire à peu près. Et le lendemain, on s'est tous mis d'accord sur qui fait quoi, tout ceci, tout cela. Voilà. Voilà, donc vous avez vraiment travaillé tous ensemble. Vous avez pas eu trop de mal à vous mettre tous d'accord, Angel ? Au début, c'était un peu dur. Mais après, les animateurs étaient là. Du coup, on a réussi à mélanger un peu toutes les idées pour que on réussisse à faire un seul unique film avec toutes nos idées. Et oui, et donc globalement, vous réussissez à finir par vous mettre d'accord. Il y en a pas un qui prend plus le dessus ou est-ce qu'il y en a pas dans le groupe? Il y en a peut-être un qui est plus doué pour l'écriture, l'autre qui est plus doué pour le cadrage, des choses comme ça. Il y a ça ou pas au sein de votre groupe? Si je laissais la parole à Éloi. Bah oui, un peu quand même. Ouais. Après, on n'a pas tous notre domaine exclusif, mais il y a forcément certaines choses pour lesquelles certains sont meilleurs et d'autres ont d'autres difficultés, et d'autres choses pour lesquelles ceux qui auront des difficultés pour d'autres choses seront meilleurs que les autres. Et toi, Éloi, au sein du groupe, quel est le domaine dans lequel tu te sens le mieux pour la création de la vidéo? Bah alors, personnellement, je suis assez bon pour l'écriture, mais après, c'est justement en essayant qu'il s'est avéré que j'étais assez bon en réalisateur. Bah oui, c'est comme ça, tu découvres, j'imagine que c'est la première fois que tu faisais des vidéos. Alors, c'est pas la première fois que je fais la colo sport et vidéo, mais disons que les autres années, on n'était pas allé aussi loin dans la vidéo. D'accord. Donc, Et pour les autres, parce que j'aimerais bien savoir quel est le domaine dans lequel vous vous sentez le mieux, Océane. Moi, je suis aussi forte en écriture. Ouais. Parce que, voilà, parce que. Voilà. Et aussi dans les idées, un peu la réalisation, comment faire, où se placer, et un petit peu aussi dans caméraman. Et toi, Carla? Alors moi, mon rôle, c'était d'aider Éloi. Donc moi j'ai placé les enfants je les ai maquillés aussi. Oui. Donc en mode guerrier. Et ouais, c'est plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Toi Clélia, dis-moi, c'était c'est dans quel domaine au sein du groupe que tu te sens le mieux? Bah moi je me sens mieux dans la comédie personnellement. OK, après, donc toi c'est plus dans le jeu. Oui. Et toi, Angèle? Ben moi, personnellement, je suis aussi bon dans la réalisation, mais Éloi est meilleur que moi. Du coup, je suis un peu mieux au niveau de la comédie aussi. Ok. Et toi, Arsenie? Moi, c'est la même comme Angèle. Comme Angel, donc oui, toi aussi tu te sens bien dans la réalisation, mais aussi dans le jeu. On a trois acteurs et au moins deux écrivains. Et voilà. Oui, Océane, qu'est-ce que tu veux dire? Bah après moi j'ai dit que j'étais forte en écriture et en réalisation, mais je suis aussi les autres rôles parce que en dehors des vacances, je fais du théâtre. Ah oui, donc c'est une passion que tu as déjà. Oui. Est-ce que c'est pour ça que tu es allé faire le séjour sport et vidéo aux tronches? Non. D'accord, pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai perdu le fil et tant qu'à faire. Et si on se passait une autre pause musicale? Allez, hop. Eh bien, le morceau qui est dans ma playlist, le morceau suivant, c'est Bad Boy de Marawa Loud. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. On a bad boy. T'as get it bad girl, t'es qu'un bad boy. Le but d'une vie, c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôlés. T'as pas un euro, fais pas de deal. Et ta lapin, un kilo, fais pas le dealer. J'prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. La gosse est dans des nœuds, elle veut tout voir au numé. Pourtant, c'est qu'une gamine, mais comme elle s'ennuie, ce monde la fascine. Moi, j'voulais m'en aller, je sais, depuis ouais, tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Tu peux pas changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau. T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéyo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bancs. Tout ça parce que la femme est bonne, est bonne. Mais toi, tu la fictionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Moi, je voulais m'en aller. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis ouais, tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, ouais, de faire le tri. Bad, bad, bad, bad boy. Toutes tes copines sont des bad, bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas, pas de bol. Et on n'a pas, pas de bol. Et t'es un bad, bad boy. Toutes tes copines sont des bad, bad girls. De retour sur Radio Gamouzo 107 FM, vous venez à l'instant d'écouter le morceau de Bad Boy de Marawal Loud, et on est toujours avec le centre des tronches, donc Jean à l'animation, et ensuite hein, les enfants, enfin enfants ou jeunes, Éloi, Arsenie, Océane, Carla, Clélia et Angel. Vous faites tous partie du même groupe Séjour Sport et Vidéo, et on a quand même vu depuis le début, donc vous faites pas mal de sport, vous faites de la vidéo d'ailleurs depuis le début. Et ça c'est une question qui m'est venue d'un coup, d'ailleurs c'est la question que je voulais vous poser avant de balancer la pause musicale. J'imagine depuis le début du séjour vous avez peut-être évolué, progressé, mais est-ce que vous sentez que vous avez progressé depuis le début? Alors, on va aller dans ce sens là, donc Angel, excuse-moi. Je trouve que le groupe en lui-même a progressé. Après, chaque personne a fait ses progrès. On n'a pas tous évolué de la même manière, parce qu'il y en a, quand ils sont arrivés, c'était un peu plus doué que les autres. Ouais. Mais je pense, en général, le groupe a beaucoup évolué. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage un petit peu cette idée? Moi, je pense aussi que le groupe en lui-même a fait énormément de progrès, surtout sur les règles de vie. Les règles de vie? Oui. Comment ça? En fait, au début de chaque semaine, on met en place des règles de vie. Par exemple, se lever à quelle heure, le petit déjeuner à quelle heure, tout ceci. Et je pensais qu'on a progressé. Ensuite, au niveau des activités, on a su les faire en entier. Du début jusqu'à la fin. Et... je reviens aussi sur ce qu'il a dit, chaque personne pense ce qu'il veut, et voilà. Et oui, je t'écoute, Jean. L'un des objectifs aussi de ces deux semaines dans le projet d'animation, c'était aussi de rendre les enfants plus autonomes, et donc d'une part, il y a ce truc des règles de vie où bon, il y a tout un truc sur la vaisselle et machin, mais aussi dans le projet de la vidéo, ce qui a été intéressant, c'est que mon ami a délégué, bon, j'ai fait le script avec les enfants, on l'a écrit tous ensemble, et voilà, on a essayé de retenir un maximum d'idées des enfants, donc je ne manipulisais pas les idées. Et hier, Martin a délégué du coup des rôles de réalisateur adjoint et tout ça. Et ce qui a laissé vraiment, il m'a dit que les grands ici, on est très fiers d'eux parce que hier il y avait un groupe de 28 petits avec eux, donc beaucoup beaucoup de petits de 6-10 ans, et ils s'en sont occupés et tout s'est déroulé d'une manière fluide. Et à ce niveau-là, tout le monde a fait des progrès et tout le monde a montré une maturité impressionnante. Tu avais envie de rebondir là-dessus, Éloi? Non, c'est bon, c'est j'aurais dit ce que je m'apprêtais à dire. Ah, et donc oui, donc au niveau des techniques, donc vous avez évolué. Enfin, je reviens sur la vidéo parce que c'est aussi votre projet principal. Et est-ce que vous avez senti que vous aviez peut-être certaines limites et certaines choses pour lesquelles il fallait pas voir trop grand, comme je sais pas, un plan à 100 mètres au-dessus du centre des tronches? Oui, Éloi. Alors, la limite que j'ai le plus ressentie, c'est surtout celle du temps. Ouais. Parce que, voilà, par exemple, hier matin, le tournage, c'est... Alors, on a réussi à tout boucler, mais c'était vraiment tendu au niveau du temps. Mais donc, c'est aussi une expérience intéressante, parce que du coup, faut vraiment... Même pour le script, il a vraiment fallu faire le tri entre toutes les idées qu'on avait pour pouvoir tout faire tenir dans le temps qu'on avait. Ouais. Donc, c'était intéressant. Et est-ce que il y a d'autres jeunes ici qui ont ressenti d'autres oui Angel. Bah moi j'ai trouvé que même si on a réussi à bien faire hier ce qu'on devait faire, il y a eu les petits aussi qui au bout d'un moment ils étaient pas comme au début, ils étaient un peu moins concentrés, du coup c'était un peu plus dur. Ah, ça fatigue hein. On était obligé de hausser un peu plus la voix. Ouais. Donc ça c'est plutôt limite avec les personnes. Donc déjà des limites de temps, des limites de personnes, mais mis à part ça, vous arrivez quand même à réaliser ce que vous voulez. Oui, Éloi. Alors notre contrainte c'est aussi la contrainte du matériel. Oui. Parce que mine de rien, pour les accessoires, on n'avait pas forcément tout ce dont on avait besoin. Donc par exemple pour le tournage d'hier matin, on avait besoin de simuler une bataille en fait entre tous les jeunes. Et donc ben on s'est débrouillé, on a ramassé des bouts de bois, on a dit ça, c'est une hache, ça c'est une massue, tout ça. Donc oui, encore au niveau matériel, oui Jean, je t'écoute. C'est aussi des contraintes matérielles au niveau de la vidéo, c'est-à-dire que sur le centre on a deux appareils photo, mais il y a pas de micro, il y a pas de, on peut, comme vous l'avez dit, le plan de 100 mètres au-dessus des tronches, on n'a pas de drone pour le faire, on n'a pas de, donc voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Et enfin et voilà, tous on se débrouille très bien, mais c'est voilà, il y a aussi cette contrainte du matériel qu'on est obligé de prendre en compte. D'accord, oui. T'as, Angel, t'avais envie de dire quelque chose? Oui. Aussi on fait un peu aussi avec ce qu'on a, mais quand même je pense que il y avait d'autres personnes avec le matériel qu'on a, ils auraient pas été capables de faire ce que nous on est en train de faire. Peut-être. Et vous êtes en effet capable de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, vous aviez même créé un freestyle, c'est bien ça? Est-ce qu'il sera dans la vidéo? Non. Non, il sera pas dans la vidéo? Mais est-ce que vous accepteriez peut-être de nous le faire à l'antenne? Oui. Oui. Alors, je vous laisse peut-être vous préparer. On va passer à un autre morceau tant que vous vous prépariez, que vous mettiez en place. Il s'agit du morceau Boom Doom Boom Boom Tam Tam, pardon, de Mac Fiotti. Et puis, ce sera la dernière pause musicale. Donc, on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Game Ozo. Va a bailar ese presidente. Estoy tan pegado que no salgo en tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. Pa' bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha, rompiendo. É flotivavete que mexe com a minha. Quem tá presente, as novinhas ali, é. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. tam tam, mueve ese bum bum tam tam, mueve ese bum bum tam tam tam, mueve ese bum bum, ese bum bum, ese bum bum bum bum bum bum bum bum bum. My cut up, me cocky tam rivet, and I just any man can get it. Me not care if you have good credit, you better can't angle the thing when me send it. Me not drop off, when me pop off, girl walk off, till it broke off, don't stop off, till it snap off, good me the whole dance lock off. Tell me, say me ting turn up. Turn up the ting till the ting burn up. Wine for the girl till the girl mash up. Now show the ting like a dumper truck. Ayo, me ting good, and me ting sharp. And the ting set, and it's sitting locked. And the girl good, but my face bad. And me ting ting real, and it can't stop. É plantiva vete que mexe com a mãe. Quem tá presente, as novinhas ali, hein. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. E aí, fiote? Rompendo. I know the thing that you like. I know the way that you move. You making love the first night. Boom, boom, pat, pat, boom. Hey, big up my jeweler. Big up my 4-5. Big up my Ruger. Hey, big up the bad bitch. Cause they treat me like king of the moon, dog. Yeah, I'm a savage. Some of them 21, some of them cougars. Hey, automatic spazzing, jumping in the crowd, just like Uzi. Yeah, black stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba. Yeah, if you got good, let me say hallelujah. Yeah. É o plato envolvente que mexe com a mãe. Quem tá presente, as novinhas ali, hein. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Nosotros le damos lo que a ella le gusta, por eso es que estamos primero. Y yo le toco así, y yo le toco así. Y después de un momento, ella se olvida de ti. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et comme je l'avais promis, le Centre des Tronches a préparé un petit freestyle qu'on va écouter tout de suite. Alors allez-y, on vous écoute. 1, 2, 3. Ici c'est la colo, on est là, on dort en tente. Faut respecter, on n'est pas chez ta contente. Ici c'est la vie, on n'est pas chez ton papy. 14h30, c'est l'heure de partir en maxi. Ici, il y a des animateurs, comme des inspecteurs et aussi inspirateurs. Avec cette chanson, on va faire des millions. On partira pas en car et privé sera l'avion. Ici c'est la colo, ici c'est la colo. Bang, bang, bang, bang. Pas de place pour les bolos, pas de place pour les bolos. Bang, bang, bang, bang. Oublie ta casquette, nos cils c'est claquettes, chaussettes. C'est Martin, Jean, Michael et Patrick. Et surtout les enfants, viens pas tester notre clic. Ici c'est la colo, ici c'est la colo. Bang, bang, bang, bang. Pas de place pour les bolos, pas de place pour les bolos. Bang, bang, bang, bang. Et ça c'était le freestyle, donc je laisse tout le monde se rasseoir à sa place et remettre les micros pour pouvoir finir de faire cette émission tout simplement. Ça y est, j'ai perdu le fil comme d'habitude. Enfin bref, ça y est, tout le monde est à nouveau à la place, donc je peux à nouveau rallumer les micros. Donc ce freestyle, vous l'avez écrit quand? Ce midi. Ça a été écrit, ouais. Ça a été écrit ce midi et un peu dans la matinée aussi. Et pourquoi vous avez eu envie de faire ça? On voulait marquer un peu une trace de notre passage. Et dans quelle mesure? Enfin, c'était vraiment que pour vous ou c'était pour la radio? Oui, on t'écoute, Jean. En fait, le projet, à la base c'était pas tout à fait pour la radio et c'est un peu un hasard que ça a été fait. On fait une préparation pour une activité, pour une veillée spectacle pour le dernier jour, et chacun a le droit de préparer ses petits trucs. Et un enfant m'avait dit qu'il aimait bien écrire des chansons et du coup on a commencé à écrire tous les deux et ça a attiré d'autres enfants et on a tous écrit tous ensemble et voilà, ça a eu son petit succès Et ce qui a fait qu'on l'a ramené à la radio aujourd'hui. On s'est, voilà, c'était une bonne idée de faire un freestyle ici. En effet, c'était une bonne idée. Et c'est le freestyle du Centre des Tronches ou juste du groupe Sport et Vidéo? C'est le centre, mais en fait, il y a deux groupes sur le centre. Il y a Vive les Vacances et Copains du Monde et Sport et Vidéo. Et c'est Vive les Vacances et Sport et Vidéo, mais pas Copains du Monde. C'est que nous. Ok, voilà. C'est que vous. C'est que sous la tonnelle, excuse-moi. C'est que vous, et ça exprime un petit peu, oui, ce que c'est d'être un jeune au Centre des Tronches, ce que vous y faites, et que voilà, vous êtes là, faut pas vous oublier, c'est bien ça, Angel? Oui, oui, c'est ça. C'est, oui, et puis c'est inspiré de quoi? Enfin, vous avez eu une chanson ou un artiste qui vous a inspiré pour ça? Oui, Océane? Non, c'est vraiment nous qui l'avons inventé. Ah oui, c'est, bah oui, ça en impose, hein, comme ça, vous dites, vous parlez de style claquette chaussette, ici on n'est pas chez mémé, pour pas rien faire de vos journées, littéralement. Je sais pas s'il y a encore une chose sur laquelle il fallait qu'on revienne, en tout cas, moi j'ai plus vraiment de questions pour vous. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous vouliez peut-être dire à l'antenne sur votre projet ou sur vous? Oui, je t'écoute, Angel. Non? J'ai perdu ce que je voulais dire. Donc je vais laisser la parole à Carla et ensuite à Océane, d'accord? Non, en fait j'ai pas vraiment de choses à dire à part merci. Oui, ben merci à toi, Océane. Bah Carla. Non, Océane. Ah. J'aimerais dire merci à nos animateurs qui nous ont permis de passer à la radio. Merci à vous et merci à plus précisément à tout le monde. Et toi, Angèle? Ils nous ont écoutés. C'est moi, je vous pose une question. Oui, je t'en prie. Est-ce qu'on a le droit de faire des dédicaces? Oui, tu as le droit de faire une dédicace et il faut surtout me tutoyer. J'arrête pas de le répéter. Je fais une dédicace à mes parents. Parce que sans eux, je serais jamais là. Je fais aussi une dédicace à mon amour. Parce que c'est elle aussi, elle m'a un peu donné courage aujourd'hui. Je fais une dédicace à tous mes animateurs pour m'avoir donné envie de passer à la radio. Ok, à toi, Océane. Bah, comme on peut faire des dédicaces, je fais une dédicace au Centre des Tronches pour les remercier de tout ce qu'ils nous ont mis en place après tout. Et je fais une dédicace à ma famille qui m'ont permis de avoir la chance de faire partie de ce projet Sport et Vidéo. Et toi, Carla, tu as une dédicace à faire? Moi, j'aimerais faire une dédicace surtout aux animateurs, plus précisément à Martin et Jean, qui sont nos animateurs préférés, et dédicace à Taclit aussi. Ouais, ouais. Océane, tu as une dernière chose à ajouter? Oui. je reviens sur la dédicace de Carla. Oui, moi aussi, je fais une dédicace à Jean et Martin et Taclit. Et je fais aussi une dédicace aux 5 qui m'ont aidé à avoir de courage. Et je fais une dédicace à Lou aussi, qui nous a permis de passer à la radio. Merci beaucoup, Océane. Merci à tous. Et ça y est, j'entends le générique qui pointe le bout de son nez. Donc ça va tout doucement être le moment de se dire au revoir. Pas de programmation à faire, comme on sait pas encore quand l'émission sera diffusée, mais les auditeurs ont l'habitude. Mais en tout cas, ce que je peux dire, hein, en tout cas, merci beaucoup. Merci Jean, Éloi, Arsenie, Océane, Carla, Clélia et Angel pour votre présence, pour votre bonne humeur. C'était agréable. Et on en saura peut-être bientôt plus sur votre séjour sport et vidéo, une fois que la vidéo sera achevée, ou du moins peut-être qu'on aura des nouvelles par Jean. Donc je ne dirai jamais assez, hein. Merci à tous pour votre participation et pour votre temps, c'était très précieux. Merci de rien, merci. Et encore une fois aussi, merci aux auditeurs d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout, comme d'habitude. Et quand l'émission sera diffusée, hein, elle sera disponible en podcast sur le site de la radio, donc radiogemozo.eu, rubrique L'heure des loups. Sinon, sur notre page Facebook Radio Gemozo, aisément écoutable ou téléchargeable, hein, peu importe les ordinateurs ou smartphones, les systèmes d'exploitation, tout passe, il n'y a aucun problème. Enfin voilà, je vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une très belle soirée, et à bientôt sur Radio Gemozo. Au revoir. Au revoir.